Et voilà, c'est donc à ce cri d'Antonin Artaud qui voulait en finir avec le jugement de Dieu que vous reconnaîtrez dorénavant l'Intempestive, une nouvelle émission d'histoire et de lutte qui se tiendra un vendredi sur deux sur Fréquence Paris Pluriel. L'Intempestive fonctionnera par série, donc on va commencer avec deux séries d'émissions. Une sur l'histoire des radios libres qui commence aujourd'hui. On entendra Jacques Sonsin faire un panorama un peu général de cette histoire des pirates. Et l'autre qui commencera donc vendredi dans 15 jours sur l'histoire de l'immigration et de l'enfermement des étrangers. Vous pourrez retrouver toutes les émissions de l'Intempestive et d'autres infos sur le site internet www.intempestive.net. Envers et contre tous, la voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers. Les ondes iront porter le message de la patrie aux quatre coins du monde, à Madagascar comme en Syrie, en Nouvelle-Calédonie comme à la Martinique, en Indochine comme en Afrique. Question insidieuse. Pourquoi ne pas réserver l'usage exclusif de cette invention admirable, l'imprimerie, à la confection et à la publication du journal officiel ? Qui ferait cette proposition en séance plénière de la Chambre des députés, outre qu'il récolterait un certain nombre de voix, au moins celle de messieurs Tixé-Vinancourt et Tedjène, êtres épris de liberté, serait assuré de bénéficier d'un précédent assez remarquable. Car il existe en France un organisme qui s'est approprié avec une absence de vergogne parfaitement délicieuse le monopole d'une invention dont l'importance est au XXe siècle, plus grande encore que celle de l'imprimerie. Cet organisme, la radiodiffusion française, est une branche annexe de ce corps vague appelé État, qui revêt les apparences d'un fromage de gruyère géant dont on distribue les trous au public et la matière aura censé représenter le dit public au sein du fromage en question. Bien plus encore que les émetteurs libres, c'est-à-dire assujettis par les annonceurs, la radio française est au service d'un intérêt particulier, celui de l'État, que nous avons défini plus haut. Il y a bien longtemps que ce groupe de gens qui se nomment État ont cessé d'être au service du citoyen pour se préoccuper exclusivement de leurs propres intérêts. Cette bande de chichenoufs qui paralyse un moyen de diffusion aussi puissant que la radio nous épargne peut-être la proclamation sur les ondes à longueur de journée des bienfaits de la purge du manoir. Mais ils nous cachent soigneusement le fait que, dans l'état présent de la technique, des tas d'émetteurs privés pourraient subsister, au moins en MF, sans grands frais et sans publicité, en laissant à chacun la faculté de s'exprimer. Qu'un État monopolise la presse, hors de nos frontières, on crie, non sans raison, à la dictature. Et on le vilipende. Mais que notre État, qui n'en est plus à une saisie près, monopolise ce moyen incomparable, plus puissant encore que la presse, et nul ne proteste. La presse, encore moins que tout autre, qui sait trop bien à quelle concurrence elle aurait alors à s'attaquer. La mainmise de l'État sur la radio est une filouterie du même ordre que celle jadis du roi sur le sel. Boris Vian, en avant la zizik, 1966. On est donc avec Jacques Sonsin sur FPP. Jacques, d'abord, il faut que je dise quand même, tu es président de FPP. À mes moments perdus, oui. Voilà, depuis pas mal de temps. C'est pas pour ça qu'on fait cet entretien aujourd'hui. C'est parce que, en plus d'être président de FPP, tu es également l'auteur d'un des rares bouquins qui a été fait sur les radios libres avec Jean Benthière. Donc c'est Au cœur des radios libres qui était paru à l'Harmattan en 89. Et donc c'est l'occasion avec toi en fait de planter un peu le décor de cette histoire des radios libres qu'on va commencer dans le cadre de cette émission et de voir comment elles se sont créées, d'avoir un aperçu un peu général avant de revenir dans d'autres émissions sur des exemples concrets de différents types de radios libres et de comment elles se sont créées, comment elles ont existé et comment elles existent toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette première émission, on peut la dédier à Yvan Jossen, qui était un grand militant des médias libres, qui était très très proche, qui avait participé à la fondation de Fréquence Paris Pluriel, qui a disparu le 1er août dernier. Et qui d'ailleurs a participé à la rédaction de ce livre, puisqu'il a corrigé, il a lu, il nous a indiqué les meilleures pistes pour améliorer ce livre. Donc il a fait un gros travail sur ce livre avec nous. Voilà, et puis il a été assez précieux dans la préparation des premiers éléments, d'ailleurs, pour commencer cette histoire des radios libres. Donc Jacques, on va peut-être commencer par bien déjà planter le décor juste avant, avant la création des radios libres. Pourquoi elles ont été créées? Qu'est-ce qui se passait avant? Donc la création, c'est 1981, donc on va parler d'avant 1980. L'autorisation des radios libres, c'est 81. Oui, l'autorisation des radios libres. Justement, elles existaient avant, c'est pour ça qu'on les a autorisées en 81. Donc comment était organisé le secteur radiophonique avant cette date-là, brièvement? Est-ce qu'on peut revenir sur cette petite histoire de la radio en France? Très rapidement, l'histoire de la radio est quand même une chose récente, puisqu'elle date du début des années 1900. Les premières émissions de radio ont eu lieu en 1901, 1903, 1906, suivant les pays. En France même, il y a eu beaucoup de gens engagés dans la création de ces radios. La radio a commencé à peser en tant que média de masse à partir des années 20. Très rapidement, elles ont été mises sous la coupole du ministère des PTT. Il faut savoir que depuis Louis XI, les PTT sont un monopole d'État. Donc la radio a hérité de ce monopole. Mais immédiatement, des gens ont voulu faire des radios privées. Le pouvoir s'y est pas vraiment opposé. Il y a eu des tentatives, des débats à l'Assemblée nationale, etc. Mais finalement, une trentaine de radios privées se sont installées en France. Et dans les années 30, le ministre des PTT a publié un décret qui, en réalité, permettait de juxtaposer les deux secteurs. Le secteur public de la radio, la télévision n'existait pas encore, elle a commencé, les premières émissions de télé ont commencé pendant la guerre et elle a commencé vraiment à exploser après la guerre, dans les années 50. Donc les deux secteurs coexistaient, un secteur privé, un secteur d'État. Pendant la guerre, les radios, dans l'ensemble, ont collaboré. Tout le monde se rappelle le slogan Radio Paris est allemand, qui était un des slogans de la résistance mis en musique par Pierre Dac, exactement. À la libération, le gouvernement qui s'est mis en place en a profité pour interdire toute radio privée, confisquer tous les matériels qui n'appartenaient pas à l'État et mettre en place un monopole d'État, cette fois-ci dur et intransigeant, ne laissant aucune possibilité pour des radios privées. Sauf que quelques radios se sont mises en place dans des territoires périphériques à la France, Radio Monte-Carlo, Europe 1, Sud Radio, etc., Andorre, Monaco, le Liechtenstein, etc. Ces radios ont constitué ce qu'on appelait les périphériques. En fait, il y avait un monopole en France et on pouvait capter des périphériques qui étaient tenus par des amis du pouvoir, parce que c'était des grands patrons de l'industrie qui possédaient tout ça. Et donc, on avait 3-4 périphériques plus les radios du monopole. Si nous réussissons, avec toutes les garanties qui sont nécessaires, à mettre en place un dispositif de ce genre, il n'y aura plus place dans notre pays pour des initiatives anarchiques. Et ces initiatives anarchiques devront cesser. Dans les régions où les nouvelles radios pourront fonctionner, dans quelques mois d'ici, la liberté totale sera sur les ondes du service public et les autres antennes qui subsisteraient ne seraient là comme les avant-postes de démarcheurs publicitaires ou comme les premiers relais d'un instrument purement politique. Cette voix, c'est celle de Jean-Philippe Lecas, ministre de la Culture et de la Communication en 1981. Et l'anarchie, c'est donc celle de toutes les radios libres existant avant 1981. Radio pirate, donc, dont Jacques Sonsin va continuer à nous parler sur Fréquence Paris Pluriel. En 1968, il y a eu, comme chacun le sait, un grand mouvement qui révolte encore Nicolas Sarkozy. Pendant ce mouvement, l'attitude de la radio d'État, du monopole, a été d'être la voix de la police, du gouvernement. Et donc, ça a révolté tous les jeunes qui manifestaient, tous les ouvriers en grève. Et donc, il y a eu une première cassure forte entre le monopole et la population. L'ensemble des partis politiques, après la libération, s'étaient accordés en faveur du monopole, y compris le PS, y compris le Parti communiste. Ils n'avaient pas tous la même vision du monopole. Le Parti communiste souhaitait un monopole pluraliste dans lequel toutes les sensibilités soient présentées. Le PS était sur une position aussi approximativement égale à celle-là. Mais le monopole étant ce qu'il est, c'était l'État qui nommait les patrons des chaînes. C'était le ministre de l'Information qui téléphonait aux rédactions pour savoir ce qu'elles disaient, si ce qu'elles disaient était supportable par le gouvernement ou pas, etc. Donc il y avait quand même une mainmise très forte du pouvoir politique sur ces médias. Et après 68, de plus en plus, cet accord avec le monopole des partis, en particulier des partis de gauche, va exploser sur la réalité sociale. Des radios ont commencé à se créer. La première radio qui s'est créée en 68, évidemment, était une radio étudiante qui s'est mise en place en 1969 à Villeneuve-d'Ascq, qui sont nos confrères de Lille, qui existent encore, qui s'appellent Radio Campus à Lille. Ils sont toujours d'ailleurs sur le campus de Villeneuve-d'Ascq. Il y a eu des radios écologistes, des radios gauchistes, des radios syndicalistes. Chaque fois qu'il y avait un problème où les gens ne se sentaient pas représentés, ne retrouvaient pas leurs paroles dans le service public, on créait une radio et on essayait de prendre la parole de force avec TDF qui brouillait, avec les flics qui couraient. TDF était là pour faire respecter la police des ondes. Il y avait des flics qui saisissaient les émetteurs. Et tant que les émetteurs n'étaient pas saisis, TDF brouillait. C'est-à-dire envoyait un signal sur la longueur d'onde sur laquelle on émettait, pour rendre inaudible la réception. Alors, l'attitude des employés de TDF a changé. Par exemple, lors de la lutte de la sidérurgie en Lorraine, à Longwy, lorsque Lorraine Cœur d'Acier a été mis en place, dans un premier temps, les TDF a brouillé. Il y a eu des manifestations de la CGT, la CGT interne à TDF qui a mobilisé aussi. Et finalement, les employés de TDF ont refusé de continuer à brouiller. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Le pouvoir est même allé jusqu'à envoyer des hélicoptères pendant les émissions pour les rendre inaudibles. Oui. Pour essayer de les rendre inaudibles. Enfin, donc il y avait toute une panoplie pour garder le monopole. Et en même temps, ça rentrait, et ça il faut bien le comprendre, c'était un peu le double visage de mai 68, entre ce qui était des aspirations au changement, à la libre parole, à la révolution, et l'aspiration au modernisme, à une société plus huilée, plus moderne. Et dans ce domaine, dans le domaine de la radio et de la télévision, beaucoup de gens souhaitaient qu'il y ait des radios libres, que la publicité soit autorisée, que le commerce puisse se faire à travers la radio et la télévision. Et dans cette période, les deux aspirations existaient, qui sont manifestés par des fédérations distinctes, l'ALO qui était plutôt pour la publicité, la FNRL qui était contre au début. L'ALO, l'Association pour la Libération des Ondes, qui a été créée en 1977. Voilà, et la FNRL qui a été créée en 1977 aussi, au congrès de fondation de Lyon. Fédération nationale des radios libres. Voilà, qui donna plus tard la Confédération nationale des radios libres. Et donc, ce sont des fédérations distinctes et des gens qui avaient des aspirations distinctes en créant ces radios. C'est-à-dire, l'ALO était directement favorable à la publicité. Oui, était favorable à la publicité. Mais malgré tout, les radios qui étaient adhérentes à l'ALO faisaient partie, parce que dans toute la période pirate, ce sont les militants qui ont tenu le haut du pavé, c'est-à-dire ceux qui avaient quelque chose à dire. Il y a bien eu Radio Fil Bleu à Montpellier qui a été une exception. Il y en a une, il n'y en a pas eu 150. Les autres radios, les gens militaient, mouillaient la chemise et prenaient des risques pour dire quelque chose. soit le message écologiste contre les centrales nucléaires en particulier, à Fessenheim, à La Hague, etc., ou à Malville, hein, soit le message syndicaliste, soit un message plus politique comme Radio Onde Rouge à Belfort. Enfin bon, il y avait des messages, et c'est ceux qui portaient ces messages qui étaient tête de pont. Mais derrière, il y avait quand même une vague sympathie, il y avait une sympathie à ces luttes dans l'idée de libéraliser les ondes et de passer à autre chose. Mmh, d'accord. Et sinon, quels étaient les moyens de lutte politique, quoi ? Comment est-ce que se menait la lutte à ce moment-là pour libérer les ondes ? Même pirate, c'était des médias. C'est-à-dire qu'ils n'existaient que dans le discours et dans le discours sur ce qu'il se passait, donc en prise sur d'autres militants. Le combat politique était mené par les militants de Longwy, les militants ouvriers de Longwy qui se battaient pour avoir leur radio parce que la radio de l'État n'informait pas, ne les aidait pas, ne les appuyait pas. Les militants anti-nucléaires de Fessenheim avaient besoin de faire savoir, donc ils s'appuyaient sur une radio pirate pour faire savoir. Donc le combat politique, c'était celui de tous ceux qui se battaient contre tel ou tel aspect de la politique de la droite au pouvoir à l'époque, qui dans le même temps rencontraient le silence de la radio officielle, de ce qu'on appelait le service public, mais qui était le service du gouvernement, et qui avait besoin de ces médias. Donc ce n'est pas les médias directement, il n'y a pas eu de manifestation de radio libre, à de rares exceptions près, où il y a eu des coups de force à un moment donné, telle ou telle chose. Mais il y a eu très peu de manifestations. La manifestation des radios libres, c'était des maîtres. Mais du coup, la création d'associations ou de fédérations comme la LAO ou la FNRL, elles jouaient quel rôle ? Est-ce qu'elles jouaient un rôle juridique pour soutenir les gens qui étaient en procès parce qu'ils enfreignaient le monopole, ou est-ce qu'elle jouait un rôle de soutien technique pour... Elle jouait tout ça, d'abord échange d'expérience. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme radio ? Est-ce que, enfin bon, en créant ce nouveau média qui était le concept de radio libre, qui se voulait en rupture avec ce qu'on entendait habituellement, non seulement du côté du service public, mais aussi des périphériques qui étaient quand même existants. Il y avait Europe 1, il y avait Radio Monte Carlo. C'était une certaine couleur différente du service public. Par exemple, Europe 1 a couvert les événements de mai 68 dans des conditions de vérité plus... plus forte que le service public. Donc tous les étudiants avaient Europe 1 collé à l'oreille, leur petit transistor, puisque ça s'appelait des transistors à l'époque. On écoutait le transistor pendant et après les manifs pour savoir ce qui s'était passé et avoir de vraies informations. Donc il y avait des débats, est-ce qu'on veut faire Europe 1, est-ce qu'on veut faire Monte Carlo, est-ce qu'on veut faire autre chose. Donc il y avait cet échange d'expérience, il y avait l'aide technique, parce qu'il fallait trouver des émetteurs, où les acheter, comment les trouver, quelle filière. Donc la fédération était un peu une aide là-dessus. Et puis il y avait une réflexion législative. Qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce qu'on va demander pour être autorisé ? Quelles sont nos revendications ? Est-ce qu'on demande la fin pure et simple du monopole ? Avec Georges Filliou qui tonnait à l'Assemblée nationale que si on mettait fin au monopole, Hersant, Tamori, c'est-à-dire les grands patrons de la presse commerciale, allaient s'emparer des ondes et on allait passer du pouvoir du monopole de l'État au monopole de l'argent. On entendait aussi cette critique, donc on recherchait des idées qui nous permettent de trouver une solution viable, une législation viable pour des radios qui ne soient pas des radios commerciales, qui soient des radios alternatives. Déjà à l'époque, on pensait au tiers secteur. D'accord. Donc c'est dans ce cadre-là que Radio Active, Radio Verte Fessenheim, Radio Verte à Paris, Radio Lorraine-Cordacier, tout ça sont créés. Il y a également la création... de deux radios qui sont un petit peu paradoxales, Radio Fil 2, déjà, dont tu vas pouvoir nous parler, et Radio Riposte, qui va jouer un rôle également. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux radios-là ? Toutes les deux se jouent dans un contexte différent, dans un registre différent. Radio Fil Bleu, c'est clair, c'est des jeunes giscardiens qui pensaient que la loi sur le monopole de l'audiovisuel était obsolète, que ça ne durerait pas, que c'était idiot, que c'était, etc., qu'il fallait faire autre chose, et donc qu'il fallait permettre aux radios commerciales d'exister. Il y a la place en France pour de nombreuses radios commerciales, locales, nationales, des réseaux, etc., ce qu'ils pensaient, ce qui était d'ailleurs pas faux, la suite l'a prouvé, et donc ils ont voulu se situer sur ce champ-là. Et ils ont commencé à émettre en pirate pour montrer leur opposition au monopole, Et ils ont porté plainte contre le brouillage de TDF, estimant qu'il était illégal, puisque la Constitution garantit la liberté d'expression. Garantir la liberté d'expression, c'est garantir les moyens de la liberté d'expression. La radio est un des moyens de la liberté d'expression. Donc, en brouillant une radio libre, TDF portait atteinte à la Constitution. Et ils ont gagné. Ils ont gagné leur procès contre TDF, ce qui n'a eu aucune conséquence, d'ailleurs. En ce qui concerne Radio Riposte, on est là dans un autre registre. Le Parti socialiste, qui s'est toujours battu pour le monopole, constate que radio et télévision sont aux mains du pouvoir, comme d'ailleurs ils le sont aujourd'hui. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Mais donc constate que les radios et les télévisions sont aux mains du pouvoir et décide de rentrer dans l'illégalité en créant une radio au siège du Parti socialiste, rue de Solferino, qui s'appelle Radio Riposte, et qui est chargée de dire la vérité par rapport à la radio d'État qui ment. Dans la prévision, en fait, des échéances dans, électorales. Dans la prévision des échéances électorales, etc. Et pensant que Giscard n'oserait pas mettre fin à cette radio, et donc qu'ils auraient l'avantage d'une radio qui aurait le doux parfum de la subversion et qui pourrait dire ce qu'elle pense. Mais Giscard a fait investir le Solferino, a fait saisir le matériel et a inculpé François Mitterrand d'infraction au monopole. Donc quand Mitterrand a été élu, c'est un délinquant potentiel qui était élu. Et donc, il n'avait pas d'autre solution. Quand on dit c'est Mitterrand qui a changé la loi, ceux qui ont changé la loi, c'est ceux qui ont fait des radios pirates et qui ont mis en cause le monopole. Et quand Mitterrand est arrivé, il ne pouvait rien faire d'autre que mettre fin à cette loi qui pouvait le jeter en prison le cas échéant. Former, informer, distraire, apporter à la vie de très nombreux Français ce dont ils ont besoin, pour accroître leur réflexion, pour rendre plus sûre encore leur connaissance et leur information, et pour trouver goût à la vie qui est la leur, pouvoir aussi sortir de leur vie quotidienne, rêver, oui je dis se distraire. Voilà, donc comme ça on arrive doucement justement en 81, qui est la date à partir de laquelle les radios libres deviennent légales, officielles. Est-ce que tu pourrais parler de cette période justement, de la loi qui a été faite, et puis de l'incidence que ça a eu sur la création de nouvelles radios ? C'est une des choses qui a changé, qui s'est passée quand Mitterrand a été élu en mai 1981. Ce fut les dizaines et dizaines de milliers, même peut-être plus de 100 000 personnes qui se sont jetées dans la création de radios libres. Il y a eu 1500 radios qui se sont créées dans les mois et l'année qui ont suivi. Et chacune de ces radios était animée par près de 100 personnes. Il y avait un monde fou. C'était la prise de parole par l'entremise de la radio dans tous les secteurs associatifs, politiques. Enfin, toute forme de radio se sont créées. Et donc, Georges Filliou, qui était ministre de la Communication, a essayé de freiner le mouvement. Dans un premier temps, il a demandé à TDF d'arrêter le brouillage, parce que la loi sur le monopole continuait à perdurer pendant quelques temps. Et une première loi a été faite immédiatement, parce qu'ils y étaient obligés, devant ce raz-de-marée radiophonique qui s'était levé. Cette première loi ne mettait pas fin au monopole, mais introduisait des dérogations au monopole. C'est-à-dire que les premières radios qui devaient être autorisées seraient autorisées en dérogation au monopole. Une commission a été mise en place, la commission Holo, chargée de faire la liste des radios, de leur demander de présenter un dossier, etc. Cette loi ne sera jamais vraiment appliquée parce qu'ils n'auront pas le temps de faire ces dérogations au monopole. Mais enfin, on peut estimer que dans l'ensemble, les radios qui ont émis dans cette période et jusqu'à la mise en place de la Haute Autorité et des autorisations données par la Haute Autorité, au regard de cette loi, ont existé en dérogation au monopole. Donc ça a été la première loi qui a été faite tout de suite. Un an plus tard, une deuxième loi a été votée par le Parlement qui, elle, à ce moment-là, instituait la Haute Autorité de l'audiovisuel, mettait fin au monopole créé un fonds de soutien à l'expression radiophonique pour les radios qui allaient être autorisées et interdisait la publicité sur les ondes de ces radios. Les seules stations qui pourront être autorisées à titre précaire et révocable, après signature d'un cahier des charges, devront souscrire aux exigences suivantes: statut d'association à but non lucratif, diffusion de programmes originaux, interdiction de constitution de réseau, respect des obligations de la législation sur la presse. En ce qui concerne la publicité, le gouvernement et le Parlement auront, le moment venu, à se prononcer pour décider si elle devra être totalement proscrite ou bien acceptée dans des conditions limitatives, précises et contrôlées. En attendant, les messages publicitaires ne sauraient être admis. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, on vient donc d'entendre Georges Filliou, nouveau ministre de la Communication de François Mitterrand, dans une allocution qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, loin de là, dans le milieu des radios libres. Jacques Sonsin va nous expliquer tout ça. Voilà, encore. C'est le débat dont tu parlais tout à l'heure qui était intéressant, parce qu'effectivement, on relie les débats de l'époque. Le souci principal du gouvernement socialiste de l'époque, c'était d'empêcher la mainmise des puissances financières sur les ondes, ce qui va être très paradoxal, on verra, quand on connaît la suite à laquelle on va arriver. Et c'était vraiment leur principale crainte. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. D'abord parce que les socialistes sont les socialistes, c'est-à-dire ils ont toujours des discours à double, triple ou quadruple détente. Un rapport compliqué avec le capitalisme, dirons-nous. Voilà. Et en fait, il y avait des patrons de presse ce gouvernement, dont Gaston Defferre, qui détenait un holding de presse sur la région PACA, Marseille et sa région, puisqu'il possédait un journal de gauche, le Provençal, le quotidien des Républicains Socialistes et Patriotes, et un journal d'extrême droite, le Méridional, qu'il avait racheté en gardant l'équipe fasciste du Méridional, et qui avait mis la publicité. C'était la même régie puis qui faisait la publicité pour les deux journaux. Et Gaston Defferre avait très peur, si on autorisait la publicité sur les radios, que ça déstabilise l'économie de son système. Donc il s'opposait à l'autorisation de la publicité. Parce qu'il avait peur que ça prenne. Parce qu'il avait peur pour lui. Et d'autres patrons de presse étaient dans le même cas et faisaient pression pour qu'on n'autorise pas la publicité sur les ondes, créant une dérégulation totale de la presse en France. Donc c'est pas simple. Nous-mêmes, les radios pirates à l'époque, qui discutions avec le gouvernement, faisions pression pour que la publicité ne soit pas autorisée. C'est-à-dire, il y avait diverses pressions venues de diverses aspirations distinctes. Mais donc, c'est pas un seul élément qui les a fait hésiter, qui leur a fait interdire la publicité, c'est tous ces éléments. Et quand la question de l'équilibre de la presse, de l'équilibre financier de la presse, a commencé à s'estomper, quand les patrons de presse se sont rendus compte qu'eux-mêmes pouvaient avoir des radios et pouvaient diversifier leur... etc. À ce moment-là, la question de la publicité s'est posée. Donc en 82, la Haute Autorité de l'Audiovisuel est créée, qui est créée pour essayer d'organiser le paysage, parce que l'explosion de radio libre fait un peu peur à l'État. Et 82, peu après sa nomination, elle délivre une première série d'autorisations pour des radios. Et lesquelles ? Quelles radios sont autorisées ? D'abord, la Haute Autorité va mettre comme critère important d'autorisation. Alors, il y avait plusieurs critères d'autorisation, la diversité des opérateurs. Enfin, bon, il y a quand même des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Malgré tout, ils ont de plus en plus mis en avant la viabilité économique des associations. Et donc, tendance à donner des fréquences à des gens qui avaient, comme on dit, les reins solides, c'est-à-dire des choses derrière. Et ces choses, qu'est-ce que c'était ? C'était des entreprises commerciales, etc. Ouais. Et ils ont donné des fréquences à des équipes qui, à l'évidence, n'avaient d'autre intérêt de demander une fréquence que de faire du commerce avec. Par exemple l'énergie, qui était la première, qui a été la radio phare du commerce, des radios commerciales en France. Et ils ont commencé par faire de la publicité pour les films, pour les cinémas, publicité clandestine. Le CSA le savait très bien, ne sanctionnait pas vraiment. Ils montaient leur émetteur au-delà de ce qui était autorisé. Le CSA, un jour, le CSA, devant la colère des autres radios, etc., le CSA a frappé un coup en interdisant, dans la même foulée, ils ont tapé Énergie, Radio Libertaire, Radio... et ils ont provoqué, effectivement, une grande manifestation contre eux, qui a été présentée, qui est apparue comme la manifestation d'Énergie, alors que c'était beaucoup plus complexe que cela. Et on a changé la loi sans vraiment demander l'avis de la population. Et donc, on est entré dans ce processus créé par la haute autorité elle-même et par le ministre de la Communication, qui n'a cessé de répéter depuis 2003 que l'autorisation de la publicité était inéluctable. Et tout aussi intéressant, quelles sont les radios qui sont écartées ? Il y avait un certain nombre de radios qui avaient réussi à s'imposer comme Radio Pirate, par exemple Radio Libertaire, ou tu parles aussi de Radio Voca dans ton bouquin, Radio Mouvance. Mais Radio Voca et Radio Mouvance ont été écartés. Radio Mouvance était une radio très engagée, très militante, ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas, ils ne respectaient pas l'ordre des choses, ils ne respectaient pas les limites que le pouvoir fixait, et donc ils n'étaient pas autorisés. Radio Voca, c'est pareil, c'est une radio qui défendait des thèses indépendantistes qui ne plaisaient pas au gouvernement. Indépendantistes de Des Antilles, enfin, des territoires et départements d'outre-mer encore sous domination française. D'ailleurs, ils n'étaient pas très loin de là où est FPP actuellement. Ils étaient au 160 rue d'Aubervilliers. Nous, on est au 45. Oui, c'est pas très loin. Si tu veux, il y a eu, dès le départ, par rapport aux radios, des sanctions, des réalités. Alors, c'est... un certain nombre de radios ont été interdites par la haute autorité, n'ont pas été autorisées par la haute autorité. D'autres radios seront interdites et écartées par la CNCL, beaucoup plus à droite, et qui a pratiquement interdit tout le monde, d'ailleurs, à l'époque. Donc, il y a eu vraiment, pour l'autorisation de ces radios, il y a eu des batailles qui ont duré quelques années pour arriver à avoir une véritable diversité, et où les héritiers de ce qui avait été les radios pirates puissent retrouver leur place et leurs aspirations quand ils se sont battus pour les radios libres. Il y a une première manif de soutien à des pirates, enfin aux 15 pirates qui ont été exclus par la haute autorité à ce moment-là. Radio Libertaire est repêchée, par contre. Radio Mouvance ou une radio comme Carbone 14 reste sur le carreau à ce moment-là. Oui, oui, c'est... Bon, Radio Carbone 14 avait fait dans la provocation avant-gardiste sexuelle. Maintenant, pratiquement toutes les chaînes de télévision, on trouve ce que faisait Carbone 14 dans toutes les chaînes de télé, même commerciales, qui en font un argument de vente. C'est 83-84, parce que ces choses sont très proches. Hein. La CNCL, c'est en 86 qu'ils vont redonner des autorisations. Les autorisations données sont pour pas très longtemps. Enfin bon, c'est très... Y compris, oui, Radio Voca... Ils ont eu... les policiers ont investi leur studio. Oui, oui, l'animateur a été frappé. Oui, ça a été très violent. Ils ont cassé tout le matériel. Ça a été, effectivement, pour certaines radios, ça a été violent. Et par ailleurs, il y avait, par exemple, Radio Galère à Marseille, qui était la radio anti-Le Pen à l'époque, et avec un Front National qui a demandé l'interdiction de Radio Galère quasiment de sa création jusqu'en 90. C'est-à-dire que là, on a l'impression que la réaction de l'État est plus violente. Au moment où il y a une légalisation de certaines radios et une tentative de contenir ce mouvement des radios libres, qu'au moment des radios pirates, quoi. C'est-à-dire, oui, là, c'est carrément du cassage de studios, des agressions physiques des animateurs, etc. Les émissions sont aussi plus pertinentes à ce moment-là. Du temps des radios pirates, les gens qui ont entendu des radios pirates en France dans la période 69-80, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, parce que c'était immédiatement brouillé, les émetteurs étaient très faibles, les gens, il fallait être tombé sur un tract des radios pour, à part quelques cas, hein, par exemple, Lorraine Cœur d'Acier est un cas à part, puisque c'était une radio vraiment qui émanait de toute la population, donc tout le monde la connaissait, tout le monde l'écoutait, mais à part, et elle a été, elle aussi, elle a été envahie à la fin et cassée, et quelques animateurs ont été brutalisés. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Là, les radios qui émettaient, il y avait de l'importance de donner, Radio Mouvance, donner la parole à des groupes politiques et des forces politiques qui déplaisaient vraiment beaucoup, beaucoup au pouvoir en place. Donc ils trouvaient ça intolérable et donc d'une part, ils ne donnaient pas l'autorisation et d'autre part, ils réagissaient de manière violente. Et dans le même temps, ils laissaient s'exprimer des radios comme Radio Courtoisie, ou radio Notre-Dame, pas Notre-Dame, une autre radio dont je ne me rappelle plus le nom, où il y avait Forisson qui parlait quasiment en boucle dessus, qui tenait des propos ahurissants d'extrémisme fasciste. Mmh. Donc on avance un peu dans le temps, on arrive en 83-84, là la question de la publicité va se reposer de manière assez cruciale, de deux manières. Déjà au niveau de l'État, il y a une réflexion sur ça, parce que les radios, un certain nombre de radios ont des problèmes de financement et donc réclament un moyen de le régler. Et puis, de fait, quoi, il y a des radios qui évoluent vers une commercialisation accrue, qui font de la publicité déguisée, etc. Tout à fait. Et donc, et celle-là demande de l'autorisation de... Alors, l'argument toujours des commerciaux et de la droite, c'est nous avons créé un état de fait, maintenant, légalisez-le, nous faisons de la publicité, donc vous n'allez pas nous faire mourir, autorisez-nous. Et donc, il y a eu une bataille menée très fortement par un certain nombre de journaux, dont le Matin de Paris, qui pourtant était proche, qui était proche du Parti Socialiste, laissant croire que toutes les radios de France voulaient qu'on autorise la publicité. Alors, il y a le débat aussi sur la publicité. Est-il normal que les médias soient financés par l'argent des industriels, des financiers, des entrepreneurs, etc. Est-il normal que radio et télévision soient des médias présentés comme gratuits par le public et en réalité payés très cher par le biais de la publicité, donc de la consommation. Quand on consomme, on paye énergie, on paye Europe, on paye... Donc il y a tout un débat là-dessus que personne ne voulait avoir. Personne ne voulait remettre en cause le financement des médias par la publicité, parce qu'à terme, le financement par la publicité donne le monopole de la radio et de la télévision aux puissances d'argent, c'est clair. Nous, on essayait de se battre là-dessus en disant nos radios rendent des services... à la société, dans le domaine du pluralisme, dans le domaine de la communication de proximité, dans le domaine de la culture, etc. Ces services doivent être payés, mais en réalité, nous étions payés que de deux manières, et c'est toujours le cas d'ailleurs, par un fonds de soutien relativement exsangue qui ne permet pas à nos associations de vivre sérieusement, et d'autre part par des subventions précaires et révocables qui ne permettent pas d'avoir une vision dans la durée de la direction de ces médias. Donc il y avait d'un côté cette alternative et de l'autre côté la publicité où les gens disaient ça nous rendra indépendants. Nous leur disions c'est pas vrai, vous allez vous faire racheter, vous croyez que vous serez libre avec la publicité, mais très rapidement vous allez être racheté par les plus riches que vous, ce qui s'est passé. Ils ont autorisé la publicité, en quelques années toutes les radios indépendantes ont disparu, ont été rachetées par Énergie, Skyrock, etc. Et au bout du compte aujourd'hui, si on fait le bilan, 26 ans après 81, nous avons... les succès d'année des périphériques qu'il existait à l'époque, RTL, Europe, Radio Sud, RMC, qu'on retrouve dans les bouquets de réseau, Skyrock qui appartient à Lagardère, Europe 2 qui appartient aussi à Lagardère, Europe 1, etc., etc., Énergie, RMC, on retrouve les mêmes. Et pratiquement toutes les radios indépendantes ont disparu. Il reste une petite centaine de radios dites indépendantes qui, en réalité, mangent sur la régie publicitaire de Lagardère. Donc c'est à cette époque-là, en 84, que les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui se créent. Non, c'est en 84 que Mitterrand autorise la publicité. Et c'est Mitterrand qui l'a autorisé. Il a d'abord dit oui, et puis le Parlement, donc on voit le débat démocratique, était restreint. Hein. Et tout de suite après l'autorisation de la publicité, il y a eu une bataille de quelques grands de la radio pour racheter les radios indépendantes et créer leur réseau. Les réseaux ont commencé à exister sérieusement en 86. D'accord. En 86, il commençait à y avoir 4-5 réseaux en France. Donc en 84, il y a aussi ce que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, dont on peut parler plus précisément, la Haute Autorité qui engage une procédure contre un certain nombre de radios pour deux raisons. Soit une puissance excessive, c'est-à-dire ils ont une certaine autorisation de puissance d'émetteur qui ils vont au-delà, donc ils brouillent les fréquences qui sont à côté, soit le non-respect de la fréquence. Et ça concerne des radios aussi différentes que Énergie et Radio Libertaire. Énergie pour cause de puissance excessive, Radio Libertaire pour cause de non-respect de la fréquence. Et ça aboutit donc à la fameuse manifestation du 8 décembre 1984. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément? Le problème s'est manifesté très rapidement. D'abord, la Haute Autorité a donné des puissances différentes. Elle décidait qui étaient des petites radios et qui étaient des grosses radios. Grosses radios ont donné une puissance un peu plus importante. Aux petites radios ont donné des petites puissances. Une radio comme Libertaire avait une petite puissance. À côté d'elle, il y avait des radios qui avaient d'énormes puissances et qui en plus les dépassaient, comme Énergie entre autres. Et donc, ils étaient bien obligés de trouver un endroit sur la FM où ils pouvaient se faire entendre. Donc, ils passaient sur une autre fréquence. Et la Haute Autorité, en sanctionnant le tout dans un contexte qui était un peu fragile, disons, où les choses n'étaient pas encore très, très assises, a donné l'impression qu'elle s'opposait aux radios libres dans leur ensemble. C'était une maladresse manifeste. Est-elle fait exprès ou était-ce une vraie maladresse? J'en sais rien, il faudrait voir avec Madame Cotta. Mais en tout cas, le fait est que ça a provoqué cette manifestation qui a paru comme une manifestation d'énergie où Énergie a dit « Vous voyez ce que veulent les jeunes, ce que veulent la population, c'est une radio musicale commerciale et rien d'autre. » Et la Haute Autorité s'est rangée rapidement sur cette idée. Et la conséquence inéluctable de ça, c'est effectivement l'ouverture à la publicité, laisser mettre en place les réseaux, etc., ce qu'ils ont fait. J'ai 12 783 planches à voile venant directement de Versailles Sport, et si vous voulez l'adresse, la voici. Versailles Sport, 30 avenue de Saint-Cloud, Versailles. Donc cette même année, il y a la création des différents secteurs tels qu'ils sont plus ou moins organisés maintenant, avec des petites variations. Création d'un secteur commercial, d'un secteur associatif commercial et d'un secteur associatif non commercial. En réalité, un secteur commercial et un secteur associatif. Le secteur associatif commercial, c'était pipeau. C'était des associations qui allaient très vite se mettre en SARL pour faire du commerce et qui, au début, préféraient garder la forme association qui était moins dangereuse pour eux. Donc il y a eu effectivement deux secteurs, commercial et associatif. Le fonds de soutien a été préservé pour les radios qui s'engageaient à ne pas faire de publicité. Alors, est-ce que tu peux expliquer plus précisément justement le fonds de soutien? Donc c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, qui existe toujours aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer comment il fonctionne, quoi? Filiou a créé cet organisme-là. Comment il est structuré? Aujourd'hui, il ne fonctionne plus de la même manière que la manière dont il a été créé. Nous, on avait demandé une taxe parafiscale, c'est-à-dire que tous les médias qui diffusaient de la publicité, médias publics et médias privés, périphériques à l'époque, puisqu'il n'existait pas encore cette époque-là de radio commerciale, de payer une taxe sur la publicité qu'elles encaissaient. Cette taxe allait directement, non pas dans le budget de l'État, mais directement dans un fonds, à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, allait dans un fonds à l'INA pour alimenter les radios associatives. L'avantage de ce système, c'est qu'il il passait pas par la moulinette de la discussion sur le budget. Il n'était pas remis en cause chaque fois qu'on parlait du budget, et il pouvait résister aussi à une alternance, la droite arrivant au pouvoir étant obligée de faire une autre loi pour supprimer ce fonds de soutien ou une majorité qui serait contre les radios libres. Bon, devait faire un acte politique pour les interdire. Il ne suffisait pas simplement de faire une petite annexe à la discussion sur le budget pour supprimer les fonds aux radios libres. Donc ce fonds de soutien a fonctionné de cette manière-là, sur la base de cette taxe parafiscale payée par les médias publics et commerciaux. Uniquement pour les radios associatives. Uniquement pour les radios associatives. C'est que les radios associatives. Une commission a été mise en place dans laquelle il y a des représentants d'État, des représentants des régies publicitaires et des représentants des radios associatives. Et cette commission discutait sur la base de critères très, très clairs de la répartition du fonds de soutien entre toutes les radios existantes en France. Et ce système a été cassé par l'Europe. Alors ça, c'est quand même relativement récent. Ça date du début des années 2000. L'Europe estimant que la taxe parafiscale n'était pas acceptable. Donc la taxe parafiscale a finalement été supprimée. Donc maintenant, le fonds de soutien est rentré dans le budget de l'État. On a mis en place un compte qui permet de maintenir l'impôt sur la diffusion commerciale, mais ça devient beaucoup plus opaque puisque ça passe par le budget de l'État. Et il suffit c'est le ministre qui délivre les subventions, c'est plus la commission. La commission propose au ministre, mais c'est le ministre qui donne les subventions. D'ailleurs, même maintenant, l'activité de la commission a été encore plus réduite. Elle ne discute plus que de ce qu'on appelle les bonifications, plus de la subvention principale. Et donc, le système a été énormément fragilisé. Politiquement, j'estime que l'État RPR est un grand danger. Il est ressenti par beaucoup d'autres que par moi. C'est l'accaparement de l'État et je pourrais le démontrer. La manière dont la CNCL s'est installée, la manière dont elle a été composée, les nominations qu'elle a procédées, tout cela a montré une mainmise de caractère totalitaire, je n'hésite pas à employer ce mot, sur les moyens de l'information. Elle est donc dans un département d'outre-mer et jugée RFO, je ne veux pas faire de distinction, c'est insupportable. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans l'intempestive avec Jacques Sonsin, on va donc voir maintenant quelle est cette CNCL insupportable, même à François Mitterrand. En 1986, la Haute Autorité disparaît et à sa place est créée la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, la CNCL, qui aura une vie très brève, on va vite découvrir pourquoi, et dont un des premiers actes, c'est de délivrer de nouvelles autorisations, puisque les premières autorisations de fréquence avaient été délivrées pour une durée de 3 ans, qui arrivaient donc très vite à échéance. Et les nouvelles autorisations qui sont délivrées en 87 suscitent plusieurs scandales. Déjà, tu vas nous en parler. Déjà, quel type d'autorisations sont délivrées à ce moment-là par la CNCL ? Puis ensuite, on abordera les scandales plus précisément. À cette époque, il y avait une commission consultative des radios privées, dont je faisais partie d'ailleurs, qui a été mise en place par le gouvernement et qui donnait ses avis à l'autorité de régulation, donc là, la CNCL. Il y avait eu deux projets d'autorisation radicalement différents et qui se heurtaient l'un à l'autre. Celui que nous avions pondu, qui ne voulait pas donner d'autorisation à Énergie, à un certain nombre de grosses radios qui n'avaient pas respecté la loi et qui permettaient aux radios associatives d'exister et de se déployer. Et la CNCL, qui faisait exactement l'inverse, qui a fait un projet interdisant quasiment toutes les radios associatives. Pratiquement toutes les radios associatives ont été interdites. Donc il y a eu un débat très, très fort, très violent avec la CNCL. Il y a un réseau qui s'est mis en place, le réseau Liberté, dans lequel il y avait les rescapés de Radio Mouvance, Radio Tomate, Radio... je m'en rappelle. Il y avait Ici et Maintenant. Ici et Maintenant. À Ligre, etc., etc. qui sont battus pour revoir les choses. Finalement, le pouvoir a reculé, a revu sa copie, mais la chose à laquelle on est arrivé était vraiment une restriction très forte de la place des associatifs. Mais comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on passe de cette période justement de défense ? Non, la droite est arrivée au pouvoir, c'est la droite qui a mis en place la CNCL. D'accord. La CNCL a été mise en place, Chirac a été élu... la majorité chiracienne a été élue en 86, si mes souvenirs sont exacts. Immédiatement, ils ont supprimé la haute autorité. Ils ont pondu une loi le 30 septembre 1986, loi qui est toujours en vigueur d'ailleurs aujourd'hui, la loi du 30 septembre dite loi Léotard. C'est Léotard qui était ministre de la Culture et de la Communication à l'époque, François Léotard. Et c'est cette loi qui a institué la CNCL, c'est cette loi qui a privatisé TF1 et la CNCL qui a autorisé le premier système d'autorisation pour les télés, qui a dessiné le paysage audiovisuel d'aujourd'hui. Donc la droite est quand même relativement responsable de ce qui se passe dans le domaine audiovisuel depuis longtemps. Et la CNCL, en plus, elle était pléthorique. Je crois qu'il y avait 15 ou 20 membres, alors que la haute autorité était à 9 membres. Elle s'est écroulée dans les scandales. Il y a eu des conseillers qui se sont fait graisser la patte. Michel Droit, par exemple, semble-t-il. On a trouvé des chèques dans son bureau, sur son compte, des sommes qui ont circulé. Enfin, bon, la CNCL s'est écroulée dans les scandales 2 ans plus tard, quand la gauche est revenue au pouvoir. Mais justement, il y avait dans la CNCL Catherine Tasca, qui était une des rares personnalités de gauche dans la CNCL et qui s'est opposée à tout ce qu'a fait la CNCL et qui a été nommée ministre de la Communication quand la gauche est revenue au pouvoir. Pour revenir sur ces autorisations de 87, effectivement, les radios associatives font complètement les frais de ces autorisations. Elles sont complètement laminées. Et une des radios des petites radios qui est exclue, l'Arsen FM, porte plainte contre Radio Courtoisie pour corruption, disant que Radio Courtoisie est allée justement graisser la patte de la CNCL pour avoir une autorisation. Et donc les membres de la CNCL, eux, sont accusés de forfaiture à ce moment-là. Est-ce qu'on peut parler, et notamment Michel Droit? Oui, tout à fait. Comment ça se passe justement, parce que c'est un épisode judiciaire d'abord il faut multiples rebondissements pour les nombreux jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Michel Droit était l'intervieweur officiel de Charles de Gaulle, donc il y avait une aura autour de Michel Droit qui était forte. C'était l'intouchable dans cette histoire. Et il apparaît que l'intouchable a touché beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'argent. Et donc, quand le scandale a éclaté, beaucoup de monde a tenté de jeter de l'eau sur le scandale. On a essayé de parler d'autre chose. La CNCL a été dissoute, entre autres, pour éviter que le scandale s'enflamme trop. Une fois que l'institution n'est plus là, ça intéresse moins les journalistes et les médias, donc on en a moins parlé. Et finalement, on a réussi à étouffer l'affaire et à mettre un non-lieu dans cette affaire discret longtemps après que plusieurs juges, le dossier ait circulé d'un juge à l'autre pendant quelques temps, et que les juges soient confortablement assis sur le dossier sans y toucher pendant longtemps, jusqu'à mettre un non-lieu, et ça finit comme ça. Mais c'est vrai que les trucs qu'on a découverts dans les préliminaires de l'enquête et dans la première plainte de l'Arsen FM étaient scandaleux et mettaient en cause très fortement l'honnêteté de tous ces gens. Bon, et alors, à la même époque, à part le scandale qui était lié aux autorisations, il y en a d'autres qui éclaboussent la CNCL. Par exemple, ce qui va devenir l'affaire Radio Rythme Bleu en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il y avait deux radios libres en Nouvelle-Calédonie. Radio Jido, qui était la radio proche du FLN. Du FLNKS, les Kanaks, et Radio Rythme Bleu, qui était une radio proche de La Fleur, qui était la droite... Le RPR local. Le RPR local. Et donc la CNCL a favorisé énormément Radio Rythme Bleu par rapport à Radio Jido. Et là encore, ça a fait scandale, parce qu'on était en plein débat sur la Nouvelle-Calédonie, pleine tentative de répartition et de trouver des nouveaux droits pour un peuple qui était opprimé depuis longtemps et à qui on avait beaucoup pris. Donc la manière dont la CNCL a traité ce problème a fait scandale et a fait se lever des tas de gens qui ont protesté. Donc la CNCL a été dissoute, une nouvelle loi est votée, une nouvelle autorité de régulation est nommée, cette nouvelle autorité de régulation qui est aujourd'hui entièrement UMP, mais on pouvait le savoir, on pouvait le deviner à l'époque qu'elle serait totalement UMP ou RPR ou de droite. Il y a eu des débats. Le CSA, donc. J'ai même été reçu par Tasca et j'ai On a fait des propositions, nous, les radios libres, et ces propositions n'ont pas été acceptées. Elles ont beaucoup plu, hein, mais elles n'ont pas été acceptées. C'était quoi vos propositions ? Catherine Tasca a voulu savoir par quoi remplacer la SNCL, par quelle institution. Donc il y a une commission qui a été mise en place, hein, et nous avons été reçus, nous, j'étais à l'époque le président de la Confédération nationale des radios libres, hein, j'ai été reçu avec Jean Maillet qui était dans notre bureau, et nous avons proposé, nous, un véritable débat sur les médias audiovisuels qui n'avait pas existé. On a mis en place le monopole sans vraiment débattre de ce nouveau moyen de communication. On a créé la télévision, des chaînes qui se sont développées. On a mis fin au monopole en 81 sans débattre du sens de ces médias, à quoi ils devaient servir, etc. Donc nous proposions un véritable débat. Et le meilleur moyen d'avoir un véritable débat, c'est que l'autorité de régulation soit élue par la population sur la base de gens qui proposeraient une politique audiovisuelle au pays. Et les gens choisiraient entre les politiques audiovisuelles qui leur seraient présentées avec une équipe qui pourrait être de 20 ou 21 personnes à la proportionnelle des résultats électoraux. Ce qui avait un triple avantage, c'était de donner un pouvoir fort à l'autorité de régulation, qui serait élue par la population, que la population, l'opinion soit réellement éclairée sur... pourquoi on allait dans ce sens avec la politique audiovisuelle. On sortait de la politique des sondages, où on dit « mais les gens, ils aiment ça ». Mais qui t'a dit qu'ils aimaient ça ? Les gens regardent telle émission massivement, mais vous leur avez demandé ce qu'ils en pensaient ? Pourquoi ils le regardaient ? S'ils regardaient réellement ? La manière dont les sondages sont faits sont totalement antidémocratiques. Le sondage remplace le choix des gens. Donc nous, on disait comme ça, il y aura un véritable choix, un choix éclairé par un vrai débat. Et dans la commission, tout le monde trouvait l'idée intéressante. C'est vrai, il faudrait aller là-dedans, etc. Et finalement, le choix de Catherine Tasca était de mettre en place une haute autorité bis, un CSA, avec beaucoup plus de moyens que la haute autorité, mais nommé de la même manière, 3 par le président de la République, qui est une fois sur 2 à droite, 3 par le président de l'Assemblée nationale, qui est une fois sur 2, si ce n'est 2 fois sur 3 à droite, et 3 nommés par le président du Sénat, qui est toujours 2 fois sur 2, 3 fois sur 3, qui est à droite. Donc on savait qu'il y aurait toujours une minorité de droite, et qu'il y aurait vraisemblablement, très facilement, une majorité de droite. C'était le mode de nomination, donner une majorité pratiquement inévitable à la droite, si ce n'est une couleur totalement homogène, comme c'est le cas aujourd'hui, où on a... un CSA nommé entièrement par les responsables de l'UMP et entièrement UMP à 100%, avec Michel Boyon, ancien conseiller de Raffarin, qui en est le président. C'est insupportable. C'est insupportable et c'est ainsi qu'on va terminer cette émission, cette première émission de l'Intempestive. On se retrouve vendredi dans un mois pour continuer la série sur les radios libres et vendredi dans 15 jours, le 5 octobre, pour commencer celle sur l'histoire de l'immigration. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.